je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground qui l'a développé. Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro de Ludologie. On se retrouve aujourd'hui comme tous les 15 jours. Enfin, en même temps, c'est un podcast, vous l'écoutez bien quand vous voulez, donc il n'y a pas nécessairement de problème de périodicité. En tout cas, on se retrouve avec Célène pour ce nouveau numéro. Je crois que c'est le quatrième qu'on fait ensemble. Bonjour. Et cette fois-ci, on va parler d'un sujet dont l'invité lui-même disait que c'est pas toujours sexy. Je pense que on peut être d'accord ou pas. Vous verrez bien à l'issue de ce podcast. Mais en tout cas, je suis assez persuadé que ça peut être très très intéressant parce qu'après tout, on parle depuis plusieurs saisons déjà de jeux, de ce que c'est comme pratique, de ses liens avec d'autres usages comme l'architecture, comme le design, comme des questions de citoyenneté. Mais on ne s'est pas arrêté sur une question essentielle qui est qui est-ce qui joue, tout simplement? C'est qui les joueurs? Quels sont leurs réseaux? Quelle est leur influence? Et en tout cas, qu'est-ce qui définit? Comment on identifie? Comment on reconnaît? Comment ils se reconnaissent entre eux? Cette espèce de tribu ou cette multiplicité de tribus de populations joueuses? Que certains pourraient considérer comme des grands enfants. Je pense qu'on sera amené à en discuter aussi pendant le podcast. Notre invité que vous entendez ricaner derrière moi, c'est Vincent Berry qui est sociologue. Je vais le laisser se présenter plus en détail d'ici quelques instants, mais en tout cas, il a déjà commis plusieurs travaux sur le jeu puisque c'est un sujet qu'il travaille déjà depuis quelques années. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Alors, en premier lieu, je vais te laisser te présenter un peu, dévoiler ton CV à nos auditeurs. D'accord. Donc, je travaille à l'université Paris 13, dans un petit département qui a été créé il y a à peu près 40 ans maintenant, par Jacques Henriot. Alors, peut-être pour ceux qui lisent un peu les théories du jeu, la littérature sur le jeu, c'est un philosophe qui a un peu dans la continuité des auteurs comme Huizinga, Kaiwa, qui sont souvent cités même par les game designers, et quelqu'un qui a créé une petite équipe, donc il y a 40 ans, qui a beaucoup travaillé sur le jouet, et puis qui petit à petit s'est intéressé aux jeux de rôle, aux jeux de société et aux jeux vidéo. Donc c'est un département qui s'était appelé dès ses origines un département des sciences du jeu. Alors ça fait un peu un effet de légitimité en disant sciences du jeu, mais ça renvoie plutôt à, on pourrait le dire, par études sur le jeu, et qui s'est caractérisé vraiment par une analyse des objets, des pratiques, et puis aussi bien des pratiques des enfants, on va dire, que des pratiques d'adolescents, d'adultes. Donc c'est un petit laboratoire d'études du jeu, mais vraiment dans sa diversité. Voilà, et on est rattaché aux sciences de l'éducation, hein, puisqu'on a la particularité aussi de s'intéresser à, comment dire, l'importance du jeu en termes d'apprentissage éventuellement, de développement, dans le cadre des loisirs. Hein. On s'intéresse un peu au jeu dans le champ de l'éducation, mais notre intérêt, il est quand même vraiment sur ce qu'on appelle l'éducation informelle, c'est-à-dire en quoi les loisirs et le jeu sont des espaces d'apprentissage, peut-être des lieux importants d'éducation. Voilà un petit peu la présentation institutionnelle. Et du coup, ça, en préambule, ça amène à se poser une question qui me semble être pertinente pour bien entamer le propos. C'est qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à cette question-là, finalement ? Alors, ce qui m'a amené, donc moi, mes travaux, donc dans le laboratoire, il y a quand même une diversité de chercheurs. Donc, on a des psychologues et on a des sociologues, des anthropologues. Donc, moi, ce qui m'a intéressé, c'était donc mon premier travail, on va dire un peu conséquent, en gros, c'était ma thèse, hein, portait sur la sociologie des joueurs de Dark Age of Camelot. Ça date un peu, mais et de World of Warcraft, donc qui reste encore connu. Et en fait, j'avais deux questions. La première, c'était un peu, ça a été un peu dit en introduction, c'est-à-dire on parle du jeu, des joueurs, mais comme une évidence en fait, avec l'idée qu'on sait qui sont les joueurs. Et j'avais quand même une interrogation de sociologue qui était, alors surtout sur la MMO, parce qu'on nous montrait des adolescents. Et donc la question de sociologue, c'était de savoir qui étaient en fait ces joueurs. Est-ce qu'on avait une diversité sociale, sociologique et tout ça. Donc ça, c'était un peu la première question que j'avais essayé à laquelle j'avais essayé de répondre. Et puis la deuxième, c'était aussi sur des questions d'éducation, c'est-à-dire on passait autant de temps dans les mondes numériques. Qu'est-ce que ça produit comme apprentissage? Voilà. Donc il y avait ces deux objectifs-là. Et donc, dans le département d'études sur le jeu, c'était typiquement le genre d'enquête qui les intéressait. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. C'est en tout cas, ça permet de bien situer ton champ. Et alors justement, sans rester uniquement sur Dark Age of Camelot et sans te lancer à parler pendant 1 heure, parce que là pour le coup, il y a moyen de faire, je pense. Mais concrètement, qu'est-ce que tu as découvert? Ça a été quoi les premières découvertes et peut-être quoi les premières surprises quand tu as commencé à observer un peu la sociologie des joueurs? Alors sur les joueurs de MMO, en fait, la première surprise, c'était l'extrême diversité des profils sociologiques par rapport à en fait, l'image qui était souvent donnée, un peu médiatique, c'était, si tu veux, c'était énormément de jeunes adultes. Alors ils sont importants, hein, de jeunes adultes, en fait, la figure des geeks. Mais quand tu regardais vraiment la diversité des joueurs, tu te rendais compte qu'elle était vraiment beaucoup plus grande, que les milieux populaires étaient plus présents que ce qu'on pouvait en voir, en fait. Je veux dire, en termes de vraiment de classe sociale, hein, donc t'avais des ouvriers, puis une diversité en termes d'âge qui était vraiment intéressante. Et surtout, ce que ça te montrait, c'était si tu veux, un lieu d'hétérogénéité sociale. C'est vraiment de rencontre entre des gens très différents, à la fois en termes d'âge, en termes plutôt de milieux sociaux. Et ça, d'un point de vue sociologique, c'était intéressant parce que tu te rendais compte qu'au fond, c'était des moments d'expérience sociale beaucoup plus fort en fait que le discours qu'il y avait autour de si tu veux la fuite du réel, l'addiction. Moi, quand j'ai fait ma thèse, c'était la flambée de la question de l'addiction. Et en fait, tu te rendais compte que quand tu observais vraiment la composition des joueurs, c'est que c'était un univers social beaucoup plus riche que certains stéréotypes qu'il y avait autour de la figure du geek, quoi. Ouais. En gros, pour donner des résultats, vraiment le truc le plus frappant quand j'ai commencé à travailler dessus, quoi. C'est ça qui t'a poussé à continuer dans ce domaine-là, continuer à chercher sur d'autres pratiques ludiques, d'autres formes de jeu, de voir Ouais. justement jusqu'où ça allait? Ouais, en fait, je crois que le truc qui m'intéresse, c'est quand même de décailler des évidences, en fait, sur le jeu, sur les joueurs. Ça a été le même truc. On a fait une enquête après avec des collègues, on était plusieurs, qui était une enquête sur, si tu veux, la diversité des pratiques de jeux vidéo, par exemple, en France. Et donc, on s'est rendu compte que, bon, en fait, tout le monde joue, et qu'en fait, bon, un des résultats les plus marrants, donc maintenant on hésite à le donner parce qu'on l'a beaucoup répété, mais si t'avais une exception très large vidéo, en fait, tu te rendais compte que très loin devant tous les jeux dont on parlait à la télévision, le solitaire et la dame de pique étaient les jeux les plus pratiqués en France. Et si tu veux, c'est toujours un peu choquant, enfin choquant en disant mais de quoi il nous parle du solitaire, mais en fait ce que ça te montrait, c'est que il y avait une espèce de sous-culture du jeu vidéo, de petites pratiques, hein, avec tous les guillemets possibles, qui étaient très très importantes en fait dans la population française, et que le jeu vidéo était un phénomène beaucoup plus massif, au-delà, on va dire, de ce qu'on voit, enfin tu vois, de la culture médiatique autour des gamers et tout ça. En fait, c'était ça, c'est ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'aller chercher dans vraiment toutes les strates de la population, tous les âges aussi, la diversité des pratiques, à quoi ils jouent, quand est-ce qu'ils jouent, et tu vois, même toutes ces petites pratiques-là, avec l'enquête qui s'appelait Ludespace, en fait, on avait vraiment porté un intérêt là-dessus, quoi. Voilà. Du coup, si je comprends bien, il y a une majorité de joueurs qui jouent à des jeux qui sont invisibilisés Ouais, tout à fait, et ouais. une minorité finalement qui joue à des jeux dont on entend parler partout. Est-ce Ouais. qu'il peut y avoir une explication en termes de population aussi du fait qu'on invisibilise certains jeux? Est-ce que c'est du fait de la nature différente des gens qui y joueraient peut-être? Ben, en fait, ce que ça permet de voir, c'est que le jeu vidéo, en fait, s'est transformé en culture au sens vraiment légitime, c'est-à-dire Et donc elle s'est stratifiée, elle s'est hiérarchisée, tu vois, c'est tout à fait comparable au cinéma ou à la littérature, c'est-à-dire en fait tout le monde y joue, mais dès que tu commences à avoir des pratiques de gens diplômés, en fait ça se stratifie, c'est-à-dire tout d'un coup on va dire ça c'est des vrais jeux, ça c'est des bons jeux, ça c'est des mauvais jeux, et du coup ça invisibilise des pratiques. Mais en fait, typiquement, voilà, le truc, c'est que les enquêtes qu'il y avait avant l'Udespace sur le jeu vidéo, tu vois, on demandait aux gens, est-ce que vous êtes joueur de jeu vidéo? Et les gens, en fait, te disaient non, moi, j'y touche pas, j'aime pas ça. Mais si tu posais la question autrement, en disant aux gens, je sais pas, au cours des 3 derniers mois, est-ce que vous avez fait une partie de Candy Crush? Ah oui, un peu. Et en fait, tu te rendais compte que les gens s'estimaient pas joueurs de jeux vidéo, mais qu'ils avaient des pratiques de quelque chose. Alors, on peut discuter. Est-ce que c'est du vrai jeu? Mais là, c'était pas l'enjeu, en fait. Hein, c'était de voir, est-ce qu'ils jouaient à des dispositifs, à des jeux sur des dispositifs numériques, quoi. Et en fait, donc, les gens eux-mêmes se sentaient pas, si tu veux, appartenant à cette communauté. Donc, ça voulait dire qu'en fait, t'as une espèce de culture qui s'est construite. Mais de façon comparable, si tu dis aux gens est-ce que vous aimez la littérature, en fait les gens vont dire non, moi je lis pas. En fait, tu vas te rendre compte que si, en fait, ils lisent, mais des romans qui sont pas nécessairement très légitimes, qui sont pas défendus, qui sont pas, voilà, qui sont dévalorisés. Donc du coup, t'as des pratiques invisibles, ouais, qui sont dévalorisées, les petits jeux, même s'ils passent beaucoup de temps dessus, en fait. Hein, mais donc voilà, donc c'est souvent le fait. Alors une des explications, c'est un peu grossier, mais c'est l'idée, dès que t'as des gens, enfin t'as des classes moyennes supérieures, des gens un peu diplômés qui vont défendre en fait leurs pratiques en disant ben voilà, qui vont justifier au fond leur pratique culturelle, leur goût, en disant bah c'est une belle pratique, c'est une bonne pratique, ils ont raison, hein, je veux dire à juste titre, hein. Mais du coup ça produit un effet de culture un peu stratifié, un peu hiérarchisé, quoi. Je sais pas. Alors, si je suis très clair. Si, c'est assez clair. Justement, t'as commencé à évoquer un de mes sujets de prédilection, le jeu mobile. Est-ce que ça vient secouer tout ça, et si oui, comment? Parce que pour le coup, tout le monde a une presque tout le monde a une console portable sur lui, quoi. Ouais. Donc ce qu'on a, on se rend compte de l'importance. Bon, là, il n'y a pas besoin de faire de grandes enquêtes sociologiques. En fait, tu prends les transports en commun et tu vois en fait comment les petits jeux mobiles comme ça l'ont emporté en grande partie sur la lecture, même si la lecture se maintient. Les gens lisent sur portable. Hein. Mais effectivement, t'as ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu vois, on avait à titre d'hypothèse sur l'enquête Udespace notamment. En fait, on avait l'hypothèse que les gens qui jouaient beaucoup sur mobile, en fait, se déplaçaient beaucoup. Et on se rend compte qu'en fait, les pratiques sur mobile, mais de façon très immobile, sont super importantes, en fait. C'est-à-dire jouer chez soi, sur son canapé, tous ces petits moments de jeu, au petit déjeuner, par exemple, qu'on avait, tu vois. Aux toilettes, ou alors c'est un des résultats, les géographes ont adoré, avec une analyse vraiment qu'on jouait plus qu'ailleurs aux toilettes à Paris. Ouais, on n'a jamais su l'expliquer trop pourquoi, mais donc c'était un hasard un peu des données. Mais oui, en fait, tu te rends compte que effectivement le mobile, alors évidemment, le fait de se déplacer, mais tu te rendais compte que même dans des endroits en fait, où les transports en commun sont pas très développés, où les gens utilisent beaucoup la voiture, en fait, le mobile reste très important, mais dans des situations très sédentaires, en fait, sur une espèce de rituel très important. Quand t'as évoqué les toilettes, mais voilà, le petit déjeuner, en train de regarder la télé, on commence à activer une partie de jeu, et toutes ces petites parties-là, ces petites pratiques-là, en fait, sont vraiment vraiment importantes et sont peut-être plus importantes que, enfin, sont des phénomènes sociaux vraiment vraiment majeurs, peut-être plus que les MMO à un certain niveau. Je dis pas en termes de, enfin, à la fois en termes de nombre, mais en termes de dynamique générale de la population, et avec l'idée qu'au fond le jeu vidéo c'est vraiment profondément inscrit dans le quotidien des Français, quoi. Beaucoup plus que en fait ce qu'on pourrait croire juste en regardant la presse, en se disant c'est un truc de jeune, c'est un truc voilà. Ça c'était vraiment quelque chose qui nous avait intéressé dans ces enquêtes là ouais. C'est vraiment intéressant parce qu'en plus ça explique à mon sens les choix de certains constructeurs, comme je pense à Nintendo avec ses dernières consoles portables qui sont finalement beaucoup plus pratiques à utiliser en station immobile, et surtout pas dans des transports en commun où ça bouge, où le tactile va merder, où on va pas avoir la 3D, etc. Donc ouais. ça explique bien aussi que en fait, ce sont pas forcément des consoles qui sont destinées à être si mobiles que ça. Mmh. Oui, non, mais complètement, ouais, ouais. Et ce qui me questionnait aussi, c'est par rapport au, bah, au rapport aux différents médias ludiques, en fait, parce qu'on parle beaucoup du jeu vidéo jusqu'ici, mais effectivement, on peut parler de jeux de rôle, de jeux de plateau, de, ouais. de GN, on peut parler de plein de supports. Mais ouais. Déjà, il y a quelque chose qui me vient tout de suite, c'est est-ce que les joueurs de jeux vidéo sont les mêmes que les joueurs de GN? Est-ce que c'est les mêmes que les joueurs de jeux de plateau? Qu'est-ce qui peut caractériser un média par rapport à un autre, finalement? Ouais, ouais. Non, non, c'est bien en fait parce que, enfin, d'évoquer ça parce que dans l'enquête sur les MMO, par exemple, j'ai été très très surpris et même des collègues par l'importance du jeu de rôle papier dans les pratiques parallèles en fait, puisque l'idée c'était de savoir, en fait, les gens jouent aux jeux vidéo, mais ils jouent pas que aux jeux vidéo. Et en fait, tu te rendais compte que on était autour de 30, tu vois, de 30% de la population des joueurs francophones hein, de MMO. Avait une pratique régulière, enfin régulière, hein, c'était au moins une fois par mois, si je me souviens bien dans l'enquête, de jeux de rôle papier. Et le jeu de plateau était aussi important, t'avais des pratiques de poker, et si tu veux, c'est ce qui m'a amené aussi à reconsidérer d'autres enquêtes. Donc la prochaine grosse enquête qu'on fait, c'est sur le jeu de société en France. Et en fait, de se rendre compte que en fait, le jeu vidéo est plutôt la partie, enfin, ce que je dis, la partie émergée de l'iceberg, en fait, c'est-à-dire c'est le phénomène ludique le plus visible en termes économiques, peut-être en termes de taille critique. Enfin, c'est beaucoup plus important probablement que le marché du jeu de société. Enfin, il faudrait vérifier ça, hein, mais en tout cas, c'est vraiment un phénomène visible. Mais qu'en réalité, ce que les enquêtes nous montrent, c'est une espèce de dynamique générale du jeu, c'est-à-dire le jouet se porte en fait très bien, hein, contrairement à ce qu'on dit. En fait, le jouet se porte bien. Le jeu de société est en pleine expansion. Bon, il suffit de voir le nombre de créations. Ça veut pas dire que les gens gagnent bien leur vie, hein. Mais en fait, il y a une dynamique générale d'une espèce de population qui se met à jouer à plein de trucs très différents. Et t'as un cœur de population qui joue à plein de choses en fait, voilà, qui joue aux jeux de société, aux jeux vidéo. Et ça, c'est vraiment une dynamique qu'on observe dans les enquêtes. Mais le jeu de société, c'est pareil, c'est-à-dire en fait, t'as des pratiques qui sont très visibles. Toutes les communautés, les types qui adorent on va dire le marché de niche, quoi, tous les jeux d'auteurs, toute une culture d'auteurs qui s'est installée. Mais pareil, si tu regardes les pratiques invisibles, en tout cas les pratiques les moins valorisées comme le Monopoly, Destin, tu vois, tous ces jeux-là, en fait, ces jeux du marché de masse, en fait, se portent très bien également. Et donc t'as vraiment une dynamique générale, toute la population française dans la diversité d'âge, qui où le jeu occupe une place vraiment de plus en plus importante. Alors tu parlais de dynamique sociale et effectivement je pense qu'on peut aussi faire on pourra faire aussi probablement faire le lien avec le MMO. Moi n'étant pas sociologue, je fais des enquêtes de façon très très très amateur et quand je rentre dans un bar à jeux, notamment un bar à jeux de société, je vois que c'est des gens qui viennent beaucoup entre amis ou en couple ou entre couples d'amis. C'est des milieux très mixtes. En tout cas au niveau des sexes, sur les âges, on est plutôt sur du vingtenaire voire trentenaire. Ouais, on reste quand même majoritairement sur des populations blanches, urbaines, assez éduquées. Qu'est-ce qui toi qui comme en plus du coup c'est la prochaine grosse étude à sortir, on en profite, on va aller chercher un peu des infos. C'est quoi le sociotype un peu du joueur de jeu de société, comment il se positionne par rapport aux autres, au-delà du jeu de niche, mais effectivement des gens qui ont une pratique ludique régulière hors familiale, on va dire. Bah en fait t'as donné, je crois, la bonne hypothèse, enfin qu'on veut tester. On a plusieurs hypothèses à tester. Bon, la première, c'est qu'on pense que il y a quand même une stratification, comme pour le jeu vidéo, c'est-à-dire en fait l'idée c'est que le jeu de société fait culture depuis plusieurs années, c'est-à-dire les gens sont prêts à discuter, il suffit de voir les forums, hein, je veux dire t'as un niveau et un certain niveau, vous en contribuez, c'est-à-dire un niveau de critique et d'analyse du jeu, je veux dire, qui est très pointu. Où les chercheurs se sentent inutiles quand tu vois. Non, mais c'est vrai, je veux dire, les niveaux de critique, même pour le jeu vidéo, c'est vrai aussi. Hein, donc ça veut dire que ça fait culture, que s'il y a une culture légitime, que les gens discutent. Donc, à titre d'hypothèse, La description que t'en fais, tu vois, me semble être l'hypothèse à tester en disant est-ce que c'est vraiment ça qui est dominant. Mais ce qu'on veut aussi quand même vraiment vérifier, c'est est-ce qu'il y a des pratiques plus populaires du jeu de société, moins urbaines, voilà. Donc tout ça, effectivement, on veut le tester avec l'idée que voilà, il y a peut-être des jeux qui sont moins valorisés, mais peut-être parce qu'ils sont plus pratiqués dans les milieux populaires. Enfin voilà, il y a toute une série de d'hypothèses en termes de stratification. Et puisque tu pointes aussi, c'est-à-dire parce que quand même quelque chose d'essentiel que j'ai oublié de dire, c'est que quand j'évoquais que les MMO étaient un milieu plutôt hétérogène, enfin plus hétérogène que ce qu'on croyait, en termes de genre, il n'était pas. Voilà. Donc il y avait une domination, enfin une surreprésentation masculine. Et effectivement, le jeu de société semble être une pratique culturelle, comme le jeu de rôle en fait, hein, sur les quelques enquêtes qu'on a, où la question du genre est beaucoup plus égale, beaucoup mieux distribuée. Voilà. Donc en fait, ce que tu évoques là, ouais, c'est les hypothèses qu'on va tester. Après, je peux pas trop t'en dire plus au sens où j'attends que l'enquête. De... Ouais, l'enquête va être passée bientôt là. Voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui me semble évident dans le jeu de société, dans le jeu de rôle, et en jeu vidéo, je pense que c'est pas toujours le cas, ça dépend vraiment des pratiques, c'est que les gens viennent aussi jouer au-delà du jeu pour l'expérience sociale que ça représente, hein, pour le vivre ensemble, l'être ensemble. Ouais. C'est, quelque part, c'est, je veux pas dire que c'est un accessoire, mais c'est un contexte pour une soirée entre amis. Comment ça se représente en jeu vidéo? J'imagine que les pratiques sont pas du tout les mêmes pour des gens qui font du FPS ou pour les gens qui jouent à des jeux de foot, par exemple. Ouais, en fait, ça dépend parce qu'à mon avis, il y a des choses tout à fait comparables entre. On a évoqué les MMO, le jeu de société. Parce que, en fait, c'est une des questions, enfin, qui tourne, en fait, c'est de dire pourquoi tout d'un coup on a un tel engouement pour le jeu en général, pourquoi le jeu de société. Enfin, rappelez-vous, il y a quand le jeu vidéo dans les années 90, enfin commençait à émerger, on annonçait la fin du jeu de société. Vous voyez, c'était et pareil, le jeu de rôle, on a annoncé un peu sa mort. Et alors la communauté s'est réduite par rapport à ce qu'elle a été dans les années 80, mais elle est quand même très vivace. On a l'impression qu'il y a quand même un renouveau des générations. Donc ça aussi, on va essayer de le mesurer un peu parce que on a quelques indicateurs sur le fait qu'il y a une nouvelle génération qui arrive au jeu de rôle, alors que à un moment, on voyait la population vieillir avec très peu de renouvellement, ce que connaît pas le jeu vidéo et a priori ce que semble pas connaître le jeu de société, c'est-à-dire vraiment les gens vieillissent, mais il y a des gens qui reprennent derrière, enfin des jeunes, donc il y a de la transmission. Donc pour te dire en fait pourquoi on a un engouement là-dessus, ces phénomènes de sociabilité, ouais, un des trucs que t'évoquais, c'était les qu'il faudra vérifier, c'est ce qu'on évoquait, c'était les grandes villes en fait, c'est-à-dire plus t'as des ensembles, enfin plus tu vis dans des grands ensembles urbains où les liens sociaux sont pas évidents, et plus le jeu enfin on peut les mettre comme ça l'hypothèse, et plus le jeu retrouve sa fonction anthropologique première qui est de créer du lien en fait, c'est-à-dire les premières analyses sur le jeu chez les anthropologues c'était de dire au fond quelle est la fonction sociale du jeu, ben, c'est de consolider les liens sociaux, de produire du lien, et à titre d'hypothèse on peut voir si effectivement on n'a pas ce retour en fait dans des sociétés, des grands ensembles urbains très individualistes, où au fond le jeu, et puis t'as plein d'instances sociales qui ont un peu disparu, qu'elles soient politiques, syndicales, enfin n'ont pas complètement disparu, mais qui sont plus aussi puissantes en termes de socialisation, bah, te dire que le jeu retrouve en fait une de ses fonctions anthropologiques premières, qui est de recréer du lien, de produire des liens, ou parfois de consolider des liens qui sont déjà là. Ça, je l'avais vraiment observé dans les MMO, c'est-à-dire soit parce qu'à un moment l'image c'était de dire ah les gens, tout le monde, c'est le village mondial, on joue avec des inconnus. En fait, tu te rendais compte que les gens se constituent en communauté, se constituent en guildes, que souvent on jouait avec des copains qu'on connaissait, et t'avais des cas parfois où c'était des liens faibles, c'est-à-dire genre des collègues de travail mais qu'on connaît pas très bien. En fait, ils se mettaient à jouer à MMO et tout d'un coup ils consolidaient leurs liens et tout ça. Donc je sais pas si je suis pas un peu confus, mais l'idée, enfin, de ce que tu décris des sociabilités, de ces bars à jeux, de cette importance en fait des soirées jeux et des trucs comme ça, que ce soit de jeux vidéo, de jeux société, enfin des jeux en ligne en tout cas, à mon avis, sont à mettre en lien avec cette question du lien social qui est peut-être moins évident et que le jeu vraiment a, enfin, on le sait depuis très longtemps que le jeu a occupé cette place-là de mise en relation des individus. C'est le truc chez les enfants, tu vois, par exemple. Toute la psychologie du jeu a pu montrer qu'en fait, les premières interactions, les premiers liens sociaux que constituent les enfants, c'est souvent à travers le jeu. Hein, et que le jeu a cette fonction-là, ou cette propriété-là, de, à travers la fiction, à travers une espèce de faire-semblant, bah, de créer des liens sociaux. On choisit ses copains comme ça, ou on se fait des copains par le jeu. Voilà. Vous me dites hein, si c'est trop perché ou trop... Non, non, c'est très très bien. Il y a une question qui me vient du coup par rapport à l'aspect ruralité, urbanisme, etc. Ouais. Là, du coup, il se pose la question du territoire, mais sur une échelle plus large, du coup, naïvement, j'aurais tendance à imaginer que il y a pas autant de joueurs de jeux de rôle à Narbonne qu'à Lille. Est-ce que entre régions, il y a une différence, ou alors est-ce que mon approche naïve va droit dans le mur et et en fait, non. C'est équitablement réparti. Non, non, elle est très bonne, mais en fait, je pourrais te répondre que partiellement, parce que pareil, j'ai pas toutes les enquêtes. Enfin, il y a des travaux qui existent là-dessus, mais en tout cas, t'as des travaux qui montrent bien déjà à des niveaux nationaux, en fait, ce qu'on appelle les cultures ludiques, ce qu'on appelle les cultures ludiques, en fait. C'est-à-dire que t'as des cultures ludiques nationales. Tu vas nous parler des Allemands, là, c'est ça? Je peux vous parler des. En fait, je pensais pas aux Allemands pour le jeu de rôle, mais je pensais, par exemple, ce que j'arrive à voir. J'ai dit jeu de rôle, mais c'est à globaliser. Surtout, je pensais au jeu de rôle en particulier parce que dans ma propre histoire, j'ai bougé de Marseille à Lille et j'ai constaté que les gens jouaient pas aux mêmes choses. Mais c'est tout. Hein. Non, non. Alors, t'as un très bon, vraiment un travail remarquable d'un géographe, Manouk Borzakian, qui avait travaillé. Alors lui, c'était à partir des fédérations. Donc c'est pas des pratiques ordinaires, hein, c'est des fédérations en club. Mais ce qui te montrait bien, c'était des cultures régionales de certaines formes de jeux de société, par exemple l'importance des dames dans le nord de la France. Et donc ouais, t'as des cultures ludiques, bon, nationales. Tu l'as évoqué, les jeux allemands. Mais qui est réel, hein. On a fait une petite recherche avec des étudiants du M2 pour voir si les jeux à l'allemande c'était un mythe ou pas. C'est en s'amusant à analyser la production éditoriale sur 10 ans, non, peut-être moins 5 ans, je sais plus, faut que je vérifie. C'est-à-dire de voir est-ce qu'on a plus de cubes en bois, est-ce qu'on a des jeux. Et en fait, tu vois quand même que statistiquement, oui, si tu t'analyses les règles, t'as des vraies différences entre les jeux dits Ameritrash et les jeux à l'allemande. C'est pas exactement celle qu'on dit, mais en tout cas, tu t'en retrouves certaines, quoi. Donc, t'as des cultures ludiques nationales et, en tout cas, le travail de Manouk montrait qu'il y avait des cultures ludiques aussi régionales. C'est-à-dire, t'as des territoires où t'as des formes spécifiques de jeux, des types de jeux qui sont privilégiés, voilà. Donc, je pourrais pas dire vraiment précisément te dire oui, ce que t'as observé, c'est vrai généralement entre régions, mais l'hypothèse est tout à fait possible. Ouais, ouais. Alors après, tu as des effets aussi parfois de corrélation, c'est-à-dire tu as des jeux qui sont le jeu de rôle. Il semblerait que ce qui reste du jeu de rôle, c'est que ça reste quand même une pratique vraiment liée à des milieux plutôt aussi diplômés, tu vois, de classe moyenne supérieure. Donc tu peux avoir aussi des effets, tu vois, de territoire où si t'as une grande métropole avec beaucoup de cadres, par exemple, tu vas avoir un effet comme ça. Mais en tout cas, l'idée qu'il y ait des cultures ludiques vraiment territoriales, oui, à un niveau national, elles sont là, et à un niveau territorial, évidemment. Finalement, c'est un peu la prolongation naturelle de tout ce qui est jeux de cartes, de boules ou de palais régionaux qu'on peut retrouver avec des variantes en fonction du territoire sur lequel on se trouve. Ouais, à ceci près que c'est vrai, mais en fait, ça marchait assez bien dans les sociétés très très rurales. Et aujourd'hui, t'as quand même, en fait, les sociétés rurales sont quand même en mauvais état en termes de population. Donc ouais, ça se transforme. Mais oui, tu retrouves quand même des différences. Et en fait, tu peux même en trouver sur des styles de jeu, sur des façons de jouer, tu vois. Moi, le truc qui m'avait marqué sur une petite enquête qu'on avait fait sur le Monopoly, pour vous dire, je travaille sur des choses tout à fait. On avait un travail sur les pratiques de Monopoly en famille, parce que c'est vraiment le jeu familial. Et en fait, ce que tu voyais, on avait envoyé des étudiants qui étaient des étudiants de chez nous, du master. Voilà. Et en fait, ils avaient, donc ils étaient tous, on n'a pas que des Parisiens dans notre master. Et en fait, ce que tu voyais, c'était le Monopoly, par exemple, c'était marrant parce que c'est le jeu où, enfin, dans notre enquête, quasiment personne lisait les règles. C'était un jeu de tradition orale, hein, même s'il y a des règles. Et donc, les étudiants montraient que, en fait, il y avait des coins où il y avait des espèces de règles locales, mais qui semblaient vraiment spécifiques, en tout cas, à l'échantillon qu'ils avaient étudié dans le même coin, tu vois. Alors, je sais plus si c'était genre le parc gratuit, je me rappelle plus exactement de la règle, tu vois, mais il y avait des espèces de règles un peu locales. Donc, oui, et tu retrouvais aussi, en fait, ce qui a été l'histoire du jeu avant qu'il se fixe. Autour à partir du 17e, 18e, on va commencer à mettre des règles, mais on avait des jeux, en fait, c'était le Slooby, en fait. T'avais que des jeux. Je savais bien qu'il allait sortir à un moment, le Jack Chouette ou le Slooby. Non, mais il y a un très bon colloque qui arrive là sur Kaamelott. On va présenter un papier sur le jeu parce qu'en fait, il montre bien ce que ça veut dire, en fait, quand t'as pas de règles. Et ça veut dire, en fait, t'as que des variantes locales. Et du coup, ça te marque effectivement des territoires, enfin, des cultures ludiques territoriales avec, alors parfois c'est le même jeu, mais avec des variantes et voilà et tout le travail des historiens sur l'histoire du jeu avant la fixité des règles et tout ça, c'est de retracer des formes de jeu. Alors parfois c'est des variantes qui sont allées à un tel niveau que tu reconnais même plus le jeu d'origine, mais tout ça te permet de faire une espèce d'archéologie et de diffusion des jeux à travers les variantes locales. Donc pour dire ouais que les phénomènes d'adaptation locaux de règles locales, de jeux traditionnels ou de règles c'était un phénomène effectivement important, ouais. Et que tu trouves encore là typiquement avec son Monopoly, ça marche assez bien, ouais. Et je vais revenir un petit peu en arrière, mais tout à l'heure tu as cité un sujet qui m'est cher aussi, les forums de joueurs. Les joueurs, ils font aussi société entre eux avec le web, où ils commencent effectivement à échanger sur, enfin ils font société, ils font culture, où ils commencent à échanger un peu sur leurs pratiques. C'est des choses que vous avez observées un peu, justement, comment le joueur, en dehors du temps où il joue, il reste joueur et il interagit avec d'autres joueurs. Ouais, bah il y a eu en fait ça existait, ces phénomènes de communauté d'appartenance, en fait elles existaient, mais c'était avant Internet, en fait, mais elles étaient très très très éparses, ou très en fait ça rendait les conventions, c'était toute l'époque où les conventions en fait avaient ce rôle-là, c'est-à-dire d'espèce d'adhésion, de sentiment collectif, d'appartenance à un loisir et tout ça. Et les forums et Internet, en fait, a accéléré et en fait a rendu ça un peu ordinaire. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça a transformé ça a permis en fait de prolonger au quotidien une passion, ce qui était un peu plus difficile avant Internet. C'est-à-dire que ça existait, mais Internet a quand même réussi à ce que au quotidien tu puisses discuter avec quelqu'un que t'as. De ta passion, d'échanger, et ce qui fait pleinement partie du plaisir du jeu, en fait, hein. Le jeu, c'est d'abord des activités, mais en fait, quand tu fais, que ce soit le GN ou j'avais travaillé un peu sur les joueurs de figurines, c'est vraiment le truc le plus visible, c'est-à-dire les joueurs, bah, de Warhammer ou trucs comme ça, en fait, leur plaisir, il est au-delà de la partie elle-même, c'est acheter leurs figurines, les peindre, leur donner des noms, lire les codex, lire les backgrounds. Et donc ça existait avant, en fait, tout ça, mais vraiment Internet a permis de ce qu'on appelle à ce métajeu-là, c'est-à-dire à toutes ces pratiques au-dessus du... Il y a des débats sur la notion de métajeu, mais je la prends vraiment en sens large, c'est-à-dire de toutes ces pratiques d'échange, de sociabilité autour du jeu, en fait, se sont vraiment radicalisées avec Internet. Elles existaient avant, mais elles étaient de façon beaucoup plus épisodique, dans les conventions, les salons, les trucs comme ça. Ouais. Du coup, ça nous amène... Ah. Pardon? Non, je disais les clubs, en fait. Ce qui est un des trucs aussi, c'est, si on regarde les premiers travaux de sur le jeu de rôle dans les années 90, enfin 80-90, bah, bon, Trémel avait été le premier à, en France en tout cas, à vraiment travailler là-dessus. En fait, ce qu'il montrait, c'était l'importance des clubs. Alors, il faudrait vérifier, mais en tout cas, tu peux estimer qu'il y a toujours des clubs, hein, qui existent de jeux de rôle, peut-être qu'ils seront en train de se recréer, mais qu'en fait Internet est redevenu une espèce de grand club, enfin la fonction qu'occupait le club, c'est-à-dire partager une passion commune, échanger, discuter. Et du coup, je disais, ça nous amène aussi à la notion de jeu de rôle grandeur nature. Et il y a des parallèles qui peuvent être mis avec ce que tu viens de dire, hein, c'est-à-dire que une partie du plaisir est dans le fait de préparer son costume, de préparer le GN à l'avance, etc. Est-ce qu'on retrouve des similitudes dans les joueurs de GN et les joueuses de GN et dans d'autres médias ludiques? Parce que beaucoup de gens ont souvent l'impression que comme dans jeux de rôle grandeur nature, il y a jeux de rôle, c'est aussi des jeux de rôle sur table, des joueurs de jeux de rôle sur table. Est-ce que c'est vrai? Pareil, enfin, je dirais sur les quelques enquêtes que j'ai pu lire, oui, tu vois l'importance du jeu de rôle. Il faudrait que je vérifie, puisqu'on a un étudiant l'année dernière qui a fait passer un questionnaire un peu pour avoir les profils des joueurs de GN. Il faudrait que je vérifie un peu les pour donner, si tu veux, les pourcentages un peu exacts, mais le souvenir que j'ai de son enquête, c'est que... En fait, les joueurs. En fait, ce que t'as, c'est que les gens privilégient une activité, en fait, généralement. Donc, ça peut être le GN, mais en fait, sont joueurs de plein d'autres choses en réalité à côté. Mais ils en privilégient une, mais sans renier les autres. Hein, mais il y en a une qu'ils investissent un peu plus. Voilà. Donc oui, les joueurs de GN sont des joueurs d'autres choses, ouais. Mais là, il faudrait que je vois. Mais ce qui est marrant pour le GN, c'est que t'évoquais la question des trucs territoriaux. Ce qui est très marrant, c'est la littérature dans les pays du Nord sur le GN est vraiment phénoménale, en fait. Ils sont très très actifs en France aussi, hein, mais je veux dire, il y a vraiment un truc. Il y a une dizaine d'années, on avait reçu au labo un chercheur, je porte bien une bêtise, en plus ça me donne ma nullité en géographie, je sais plus si c'était finlandais ou, enfin bon, on va dire les pays du Nord, hein, désolé. Bon, voilà. Et en fait, qui montrait bon, l'importance déjà des universités, des espèces d'universités d'été, de communautés très structurées, une littérature en sciences sociales super abondante en fait sur le GN. J'ai l'impression que là, ça revient un peu en France. En Belgique récemment, j'étais à un colloque sur le jeu et il y avait énormément de productions aussi de chercheurs sur le GN. Donc il y a une thèse qui a été soutenue il n'y a pas très longtemps par Sébastien Cap. Donc oui, il se passe quelque chose autour du GN là en ce moment. Alors je sais pas si c'est vrai partout sur tous les territoires. En tout cas en Belgique c'est très visible, dans les pays du Nord c'est très visible. On a quelques étudiants aussi hein, qui sont, enfin des anciens étudiants qui sont très actifs sur la scène géaniste. Mais oui, il se passe quelque chose là. Mais pareil, faudrait vraiment le vérifier avec des enquêtes un peu plus pointues, parce que le problème c'est que les enquêtes qu'on a en fait, la plupart du temps c'est des enquêtes sur internet, et donc en fait elles te donnent si tu veux, elles agrègent les gens les plus actifs, mais t'arrives pas à avoir une vision très, très claire et plus fine des pratiques un peu faibles ou des gens qui jouent pas en ce moment ou qui jouent mais qui sont pas sur internet. Je dis pas que ça existe, enfin, mais le problème des enquêtes sur internet c'est que tu récupères que les passionnés, donc en fait ça surreprésente les passionnés par rapport à la réalité en fait des génistes. Alors je dis pas qu'ils sont pas tous passionnés, mais tu peux imaginer des pratiques plus tu vois, ça revient un peu, ouais plus occasionnel, ou voilà, ou parce que t'accompagnes quelqu'un, parce que t'as beaucoup aimé ça à un moment, peut-être que ça reviendra, mais en ce moment tu l'as pas. Donc tu vois, ces gens-là tu peux pas les attraper dans les enquêtes sur internet généralement. Enfin, bon, c'est le problème de méthodo, mais en tout cas, ouais, ce serait quelque chose à voir. Et oui, le GN, mais en fait, à peu près, ce qui est très marrant, c'est le truc qu'on fait avec les étudiants, c'est-à-dire quand on leur fait étudier n'importe quelle pratique, tu vois, il y a un moment, on travaillait sur les lotos de village. Voilà, une passion sur le jeu rural, en fait, c'est les lotos de village, tu vois, les bingos, les machins comme ça. En fait, de toujours aller chercher, c'est quoi, alors, je sais que les game designers seront pas d'accord, mais c'est quoi le méta-jeu c'est quelles sont toutes les pratiques autour de l'activité elle-même qui sont super importantes dans le, et ça marche à peu près pour tous les jeux, en fait. Tu joues aux échecs, c'est regarder les parties d'échecs, c'est aller chercher des informations, le village, c'est préparer la partie, trier ses cartons. Enfin, tu vois, je pousse un peu, mais il y a vraiment quelque chose de dans le jeu qui est pas seulement l'activité elle-même, mais qui est tout ce que ça implique dans le quotidien, ces petits moments que tu leur donnes. Et du coup, si j'ai bien compris, on a même pas de première intuition sur les joueurs de GN et les joueuses de GN, de quelle catégorie ils viennent, de où dans la société on les trouve et dans quel territoire aussi, ou alors est-ce qu'on a quelques données, est-ce que ça permet l'accès aux jeux de rôle à des personnes qui vivent dans des régions plus rurales, par exemple, ou est-ce que étant donné du matériel qui a c'est que des personnes très aisées? Non, non, c'est une super question, mais honnêtement, les enquêtes qu'il y a en fait sont souvent qualitatives, et donc si tu veux, c'est de très bonnes questions, mais honnêtement, j'aurais pas les données pour y répondre. Peut-être dans la prochaine enquête, parce que sur le jeu de société, on l'a fait de façon très générale, on pose quelques questions sur le GN. Mais donc là peut-être qu'on aura des trucs un peu précis, mais sur les enquêtes, je sais que la Fédération du GN avait fait une grosse enquête qui me semblait un peu plus précise. Il faudrait que je vérifie les résultats. À titre d'hypothèse, tu peux imaginer qu'on a des gens un peu diplômés, mais honnêtement, je resterai. Enfin voilà, tant que j'ai pas les chiffres, On va pas te demander d'être précis comme ça sur des choses que t'as pas. C'est ça qui sont chiants les sociologues. Ouais. Bah ouais, c'est ça. Non mais c'est terrible les chercheurs, les scientifiques qui veulent pas répondre sur des questions auxquelles ils ont pas déjà la réponse. C'est vraiment très très peu pratique. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces éléments. Alors, on a parlé de la sociologie des joueurs d'un point de vue, on va dire, catégorie socio-professionnelle, positionnement géographique. Mais au niveau des âges, ça se répartit comment, cette histoire? Alors après, ça dépend sur les secteurs, en fait. Ce que tu as de façon vraiment transversale dans les enquêtes, c'est le jeu vidéo, en fait. Le jeu vidéo, ça reste... en fait, c'est pour ça que quand je dis c'est le truc, la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire c'est le truc le plus visible parce que tu commences à avoir des pratiques à partir de 3 ans, sur les téléphones portables des parents, des trucs comme ça. Et surtout, ce que tu as, c'est d'enquête en enquête qui se succèdent. Le CNC en fait régulièrement. T'as un vieillissement de la population, c'est net, quoi. C'est-à-dire les gens continuent de jouer et donc t'as une espèce de pratique ludique qui traverse les âges. Alors pour le jeu de société, il faut voir comment c'est structuré, mais le sentiment qu'on a, c'est que le jeu de société connaît vraiment des postes très fortes, voilà. Donc et le jeu vidéo, en plus, c'est le truc qui est très marrant, c'est quand tu regardes sur les enquêtes, les périodes les plus actives, en fait, c'est le noyau dur des joueurs de jeux vidéo, c'est les enfants, en fait. C'est très marrant, en fait. C'est eux qui jouent le plus, en réalité, qui jouent un peu sur tout. Ils jouent, il faut voir des enfants dans les restos, dans les soirées d'amis, ils font les tours des portables. Dès qu'ils peuvent, en fait, ils jouent un peu partout, avec tout le monde. Ils ont une grande diversité de pratiques de jeu. Et après, à partir de l'adolescence, ça commence à se stabiliser, ça peut monter un peu, mais voilà, à partir de l'entrée dans la vie active, ça commence un peu à diminuer. Mais ce qui est marrant, c'est que les enquêtes montrent qu'en fait, les gens jouent moins, mais continuent à jouer. Alors que t'as d'autres formes de jeu où t'as une rupture nette à un moment où on joue plus du tout, quoi. Donc, je sais plus, c'était quoi ta question, pardon. C'était plutôt sur effectivement la répartition par âge. Enfin, cela dit, cette histoire d'enfance, c'est assez logique, parce que moi, si j'invite des gens et que je leur emprunte successivement leur portable pour jouer dessus pendant qu'ils sont tranquillement posés dans le salon, je pense qu'ils seront légitimes à le prendre assez moyennement. Mais mais du coup, au-delà de ça, on avait pu regarder en amont à la préparation du podcast certains papiers ou en tout cas des extraits, notamment sur qui sont les joueurs en France. On voyait que il y avait des effets assez marqués, notamment avec le vieillissement sur du coup des populations qui sont manifestement plus âgées, 60-70 ans. On voit bien que les prédispositions en termes de jeu et de typologie de jeu, alors spécifiquement sur le jeu vidéo, sont pas du tout les mêmes que pour des vingtenaires ou des trentenaires, par exemple. Ouais. Ça va être la chose nouvelle, en fait. Ce qu'on a, si tu veux, c'est qu'on voit que en fait, toutes les enquêtes te donnent des moyennes d'âge. Alors, faut faire gaffe aux moyennes d'âge qu'ils donnent dans les enquêtes, parce que déjà les moyennes en général, en fait, si t'as pas l'écart type, ça veut pas dire grand-chose. Et en plus, il faut bien voir que la plupart des enquêtes, tu vois, elles démarrent au mieux à 12 ans, quoi. Donc, en fait, les 6-12, c'est très rare que tu l'aies dans les enquêtes. Pour plein de raisons, des raisons de méthodo, c'est difficile de faire des trucs. Donc t'as des, si tu veux, t'as des moyennes d'âge qui vieillissent, mais qui masquent le fait que les enfants jouent beaucoup. Donc la question, en fait, ce que t'as aussi, c'est que les goûts changent. C'est-à-dire, tu vois émerger les pratiques de solitaire, par exemple. On évoquait le solitaire, la dame de pique, ou les... Qu'est-ce qu'il y avait beaucoup? Les dominos, les majongs, je sais pas si vous voyez, genre, il y avait un jeu à l'époque de l'enquête, Ludespace, c'était Titan Majong, ou Majong Titan, qui est un jeu très joué par les personnes les âgées. Alors, la question, c'est qu'en fait, c'est les générations qui sont pas nécessairement nées avec le jeu vidéo. Donc, en fait, elles ont un rapport, on va dire, en fait, elles vont jouer à des jeux qu'elles connaissent, Tu vois ce que je veux dire? Et bon, par exemple, les jeux de société, même les belotes, les Scrabble en ligne, ou les Scrabble enfin, jeux vidéo, en fait, étaient très, très présents parce que leur culture ludique à eux, aux personnes âgées qui sont nées, on va dire, qui sont pas nées dans le jeu vidéo, en fait, on avait ça comme culture ludique. Donc, du coup, elles se mettent à jouer à ce truc-là. Donc, la question, c'est que ce qui est certain, c'est que la dynamique et la tendance, c'est que les gens continue à jouer en vieillissant, il joue à moins de jeux, il joue pour plein de raisons, il joue moins longtemps, des sessions plus courtes, voilà. Et la question, c'est quel sera l'équivalent pour en gros notre génération. Enfin, je pense que vous êtes plus jeune. Je sais pas quel jeu. En fait, ce sera quel sera l'équivalent du solitaire pour notre génération qui va vieillir, en fait. C'est-à-dire, très probablement, il me semble que vraiment la dynamique dans les enquêtes, c'est que les gens jouent de plus en plus tard. Par contre, ils jouent à des jeux moins rapides, sur des temps courts, voilà, qui permettent un ajustement à la vie sociale. Donc, c'est un peu l'énigme de savoir à quoi vont jouer, en fait, la génération des trentenaires. Ou un peu plus quand ils seront en 60 ans, 70 ans. Alors, pour provoquer certains de mes étudiants qui sont passionnés de Hearthstone, je leur dis, bah, en fait, Hearthstone, c'est peut-être ça, c'est peut-être le solitaire à venir. C'est un jeu de cartes, on peut y jouer rapidement. Ça demande. Non, c'est pour les provoquer, en fait, que je dis ça. Mais en même temps, il n'y a pas un effet de bascule, effectivement, avec l'âge de la retraite, parce que pour le coup, il y a une notion de temps qui se retrouve, et puis l'âge avançant, faire communauté, recréer du lien sur des populations âgées qui peuvent être isolées, ça peut avoir du sens aussi, non? Ouais, complètement. Mais ça commence déjà, hein. Il y a quelques expériences et usages du jeu vidéo dans la maison de retraite, par exemple. On va utiliser, alors, jeu de société, ça fait très longtemps qu'ils l'utilisent, hein, pour recréer du lien entre les personnes âgées. Mais ce que tu commences à avoir, c'est utiliser des petits jeux comme la Wii ou des choses comme ça. Parfois même pour des raisons un peu thérapeutiques aussi, hein, pour donner de l'activité et tout ça. Ou des raisons un peu médicales, mais aussi dans des raisons d'utiliser le jeu vidéo sur des générations, ouais, dans les maisons de retraite ou des trucs comme ça, pour recréer du lien. Après, il y a toujours l'histoire des clubs de bridge pour les personnes âgées. Donc, en fait, ça existe depuis longtemps. Ce qui est intéressant, je vais dire, dans les foyers pour personnes âgées, ouais, la belote est super importante, quoi. Pareil, hein, c'est pas des jeux très légitimes, on en parle peu, mais c'est des pratiques très importantes chez les personnes âgées. Là, il y avait eu une enquête qui avait été faite là-dessus. Enfin, pas nous, hein, mais une chercheuse avait travaillé sur ça. Et donc, probablement que le jeu vidéo va arriver logiquement, en fait, comme une pratique de lien social dans les foyers de personnes âgées. Je sais pas ce que va donner cet entretien, mais c'est un peu ça l'idée, voilà. Ça m'envoie aussi à une pratique ludique qui est le rétro gaming. Ouais. Le fait de jouer effectivement à des vieux jeux qui auront 20 ans, 30 ans, des jeux souvent des débuts des années 90 par exemple, mais même des années 80, est-ce qu'on a un regard sur qui joue à ces vieux jeux? Moi j'en ai pas, il y en a peut-être, mais j'en ai pas. Honnêtement, je vois des papiers, je vois beaucoup de trucs, ce sont des enquêtes un peu qualitatives, je sais pas en fait exactement... Là, je pourrais répondre que au doigt mouillé, donc vraiment, je saurais pas te dire. Communauté culturelle, je pense notamment, par exemple, enfin culturelle ou politique même. Est-ce que les électeurs communistes vont jouer au même jeu que des électeurs d'extrême droite, ou alors est-ce que qu'est-ce qu'on observe à ce niveau-là, si on observe quelque chose d'ailleurs? Ouais. Eh ben là, tu pointes une faiblesse de nos enquêtes, c'est qu'on a jamais de, et c'est une faille, hein, je la prends, c'est qu'on a jamais fait les liens, en fait, sur ça. Est-ce que sur ces profils là, on va dire d'orientation politique, on peut l'estimer, si tu veux, à partir des professions et des âges, ce serait un peu un peu difficile. Ouais, un peu hâtif et ouais, trop rapide et très grossier. Et voilà, ce serait de la sociologie à coup de marteau. De faucille en l'occurrence, mais voilà. Donc c'est pas aujourd'hui qu'on saura si Candy Crush est de droite ou de gauche, quoi. Non. Qu'est-ce qu'on a fait? C'était une des idées pour le. Pour un colloque, je fais de la pub, mais en fait, c'est une fausse pub. On va essayer de faire un deuxième colloque sur le jeu de rôle à Paris 13. On avait fait il y a 2 ans les 40 ans du jeu de rôle. C'était les 40 ans de donjon, je crois. Eh oui, mais on s'est croisés là ? Non, je n'y étais pas, mais j'ai suivi les podcasts de loin. Ah, d'accord. Non, c'était un chouette moment. Et l'idée, c'est de refaire une deuxième journée d'études. Et on s'était dit, tiens, autour de la question de l'engagement, mais aussi des univers, avec la question, le jeu de rôle est-il de droite, de gauche, voilà. Non, c'est une très bonne question, mais honnêtement, je ne saurais pas y répondre. Ce qui est certain, c'est qu'il y a, c'est défendu comme des valeurs, que le jeu est quand même défendu dans des valeurs idéologiques. Ça, c'est certain. Je veux dire, il y a tout un mouvement. On l'a vu un peu autour de quand il y a eu Nuit debout. Il y a eu Jeu debout qui s'est mis avec l'idée de, en fait, ce que tu regardes aussi dans le champ de l'éducation, par exemple, des gens qui défendent en fait certaines formes de jeu, le jeu coopératif, par exemple, avec derrière des idées politiques, idéologiques, plutôt à gauche, par exemple. Donc oui, tu peux repérer ça à des niveaux de dans des formes de dans des mouvements d'éducation, de militantisme en fait autour du jeu ou de l'éducation populaire. Ça clairement, tu vois des formes de jeux qui sont défendues. Mais après vraiment vous dire l'orientation des jeux en fonction des orientations politiques, ce serait difficile. On te réinvitera pour une prochaine étude du coup. J'ai les résultats de l'enquête sur le jeu de société, ce sera avec plaisir. Voilà, on en refait une. Tu as parlé à plusieurs reprises de la pluralité des pratiques ludiques chez les joueurs comme étant un phénomène assez général. Est-ce que c'est une spécificité ? J'ai l'impression que les gens qui font du sport, par exemple, c'est pas parce qu'ils font du foot qu'ils vont aussi faire du handball, du triathlon et de l'équitation. Ouais. Alors qu'il semblerait que chez les joueurs, il y ait quand même une tentation naturelle d'aller dans un peu tous les domaines ludiques, même des choses qui sont potentiellement un peu éloignées les unes des autres. Qu'est-ce qui fait ça ? Ouais. Alors là, je vais rentrer dans des trucs. En fait, le mouvement général pour les pratiques culturelles, parmi lesquelles le jeu, mais c'est vrai à peu près tout, c'est que si tu veux, pendant longtemps, le modèle en sociologie de la culture, c'était, je vais enfoncer les portes ouvertes pour vous et pour d'autres, hein, mais c'était en fait le modèle de la distinction chez Bourdieu, c'est-à-dire en fait, on avait l'idée que si tu veux, on avait des distributions des pratiques culturelles en fonction vraiment des milieux sociaux. Et le modèle qu'on a aujourd'hui, c'est plutôt ce qu'on appelle le modèle de l'éclectisme ou de l'omnivore. C'est-à-dire, ce qui différencie les milieux sociaux, c'est, bon, il y a encore des différences sociales, hein, sur certaines formes de jeux. Si tu prends le bridge, par exemple, ça va te classer socialement. Si tu prends, pour le jeu vidéo, par exemple, t'as certaines formes de jeux qui sont vraiment des pratiques très populaires, en fait, que tu trouves plutôt dans les milieux populaires. Mais, en fait, ce qui distingue des trucs, c'est l'accumulation de pratiques. C'est-à-dire, en fait, ce qui va distinguer, enfin, pour le dire très grossièrement, plus t'es diplômé et plus t'as tendance à être omnivore et éclectique, c'est-à-dire à consommer un peu de tout. Alors c'est vrai pour le sport, c'est vrai à un certain niveau pour le jeu, mais c'est vrai pour les pratiques culturelles en général, c'est-à-dire tu vas regarder aussi bien des films d'auteurs que des films commerciaux. Et c'est vraiment, si tu veux, ce qui, je sais pas si je suis très clair, mais ce modèle-là, en fait, il montre que les différences sociales se font moins dans un type de consommation. Que dans le fait d'être très éclectique et très de consommer un peu de tout. Donc plus t'es diplômé, plus t'es omnivore, plus t'es éclectique. Et donc dans le jeu vidéo, dans le jeu en général, t'as ça, c'est-à-dire tu vas avoir des milieux populaires avec des formes de jeux singulières, enfin singulières ou pas, hein, mais moins diverses. Et en fait, quand tu vas un peu monter dans des jeunes diplômés, en fait, l'âge aussi est important. En fait, tu vas avoir des gens qui consomment beaucoup de choses et des choses très, et de nature très diverses, en fait. Voilà. Donc pour c'est l'exemple que je donne pour caricaturer quand je donne les cours de sociaux, de la culture aux étudiants. Mais en fait, voilà, les si tu veux, tout le monde consomme. En fait, t'as des endroits où on va consommer un truc sur TF1. Tu vas avoir ça dans certains milieux où ça va être en gros TF1 et puis en fait ce qui va caractériser les gens diplômés, je sais que c'est un peu radical, hein, comme ça, mais c'est ils vont consommer TF1 et autre chose, en fait, voilà. Donc c'est ça leur truc, donc c'est un peu ce modèle là qui est dominant, et dans le jeu il semblerait que ça fonctionne assez bien, c'est-à-dire en gros plus tu consommes, en fait, plus t'as de diversité et plus t'ouvres tes diversités de jeu. Donc je sais pas si je réponds à ta question complètement. Bah, si, du coup, ça répond en disant que je suis à côté de la plaque, mais en expliquant bien les choses. Merci beaucoup. Et je pense que ce qu'on appelle les geeks, en fait, c'est un peu ça. Si tu veux, la culture geek, c'est que ça désigne des profils de jeunes urbains, diplômés, en fait, et qui ont cette espèce de consommation très diverse, en fait, de produits culturels très diverses, qui en plus sont liés entre eux, donc, voilà. J'avais juste une, enfin moi, je, dans l'absolu, je pourrais poser des questions toute la nuit là, mais pour pas non plus épuiser nos auditeurs, et puis parce que ce sera l'occasion de refaire des podcasts. On l'a vaguement évoqué à un moment quand on parlait du jeu de société et du MMO. Est-ce qu'on a un peu un regard sur les pratiques des joueuses et qui sont les joueuses, parce que c'est vrai que moi j'ai surtout parlé des joueurs comme un bon mâle hétéro que je suis, mais c'est quand même une question qui se pose depuis longtemps. On a toujours entendu plein de bruits, plein de chiffres, plein de réflexions sur oui, les joueuses elles jouent aux Sims, mais j'imagine que c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est plus compliqué. C'est vrai. En fait, ce que t'as d'enquête en enquête, c'est de voir sur des domaines qui étaient où elles étaient peu présentes, notamment le jeu vidéo, en fait, d'émerger. Tu vois émerger un peu c'est une dynamique en fait de joueuses de plus en plus présentes sur le jeu vidéo, qui était parce que le jeu de rôle par exemple a été beaucoup plus ouvert, le jeu de société aussi. Dès les quelques premières enquêtes qu'on avait, même qualitatives en fait, on observait des diversités. Alors donc genre et jeu vidéo. Moi-même, tu vois, tout à l'heure quand j'ai parlé de diversité, tu vois, j'ai un peu zappé la question du genre qu'il n'est pas en fait dans les MMO. Donc ce que tu vois, c'est quand même une diversité qui est en train de se construire sur le jeu vidéo. Ailleurs, elle était déjà là, donc il n'y a pas de dynamique aussi forte que dans le jeu vidéo où vraiment tu vois apparaître des alors t'as toujours des différenciations qui étaient mesurées dans les premières enquêtes, bon plutôt aux États-Unis, c'est les premiers à avoir un peu mesuré les audiences de jeux vidéo, mais bon, t'as des effets, t'évoquais les Sims, des trucs comme ça. Mais ce que t'as, c'est que tu vois vraiment une dynamique de joueuses présentes dans des types de jeux qui étaient avant dominés où les hommes étaient super présents. Donc ça, c'est une vraie dynamique, ce qui fait que dans les enquêtes, tu vois effectivement les joueuses un peu plus présentes. Ce qui est intéressant, c'est que les différences sont pas aussi marquées chez les enfants entre jeux de filles, jeux de garçons, des trucs comme ça. C'est vraiment vieillissant, mais ça c'est un modèle général des enfants. En fait, les enfants, c'est ce qu'on appelle je vous ai parlé de la distinction de l'omnivore chez les enfants, c'est le modèle affinitaire, c'est-à-dire en fait ils jouent à tout ce à quoi les copains jouent en fait. Et donc du coup les logiques de genre sont peut-être, enfin quand ils sont très jeunes, après en vieillissant ça se genrifie. Donc pour vous dire que oui sur les FPS, sur les trucs comme ça, il semble vraiment qu'il y a une dynamique importante sur de présence des joueuses. Mais ce qui est une bonne chose à un certain niveau, ce qui reste entre guillemets grave pour moi. Mais bon, parfois c'est interprété bizarrement, mais c'est une très bonne chose, une très bonne chose à la limite. Les gens font ce qu'ils veulent, hein, mais de voir en fait une certaine mixité se construire dans les FPS, dans les jeux de gamers en fait. Il y a une culture de gameuses qui est en train de se construire. Il y a un très bon travail de Jessica Soler-Benoni, qui est une chercheuse qui travaille sur la culture des gameuses. Et qui montrent d'ailleurs en plus qu'elles ont tendance parfois, c'est vraiment ce qu'on travaille, à sous-déclarer leurs pratiques. Donc ce qui est vrai, c'est qu'il y a une culture de gameuse qui se construit, mais il y a un phénomène qui bouge pas et qui est vrai du jeu vidéo et qui est vrai en fait du jeu en général, c'est qu'en fait les filles, quand c'est des enfants ou les femmes, en fait on s'autorise ou il est plus accepté par la société qu'elles franchissent cette espèce de barrière symbolique du genre. Donc chez les enfants ça marche assez bien, c'est-à-dire quand on regarde, bon il y a des travaux de Julie Delafin, il y a toute une anthropologie du jeu des enfants dans les cours de récré par exemple, et où on peut voir qu'en fait les filles franchissent plutôt ces barrières symboliques du genre, puisque jouer c'est aussi se dire qui on est, enfin voilà, c'est, il y a quelque chose d'identitaire hein, dans nos choix culturels. Donc en fait jouer au foot elles peuvent et ce qui reste vrai chez les enfants et vrai du jeu vidéo en général, c'est que les garçons s'interdisent toujours d'aller du côté des cultures ludiques qui étaient traditionnellement ou qui sont socialement construites du côté des filles. Donc pour le dire grossièrement, en fait on va avoir des joueuses de sur GTA, sur des FPS où les hommes jusque là étaient très présents. Par contre on va avoir très peu d'hommes qui vont jouer à des girls games, qui vont très peu jouer C'est des jeux que je cite tout le temps parce que j'ai une doctorante qui travaille dessus. Amour sucré, par exemple, c'est des, vous savez, les dating sims ou des choses comme ça. Mmh. Et en fait, c'est ça à la limite qui est. Enfin, c'est très bien, mais je veux dire la victoire, on pourrait dire si on est un peu militant pour une certaine diversité, ce serait que les garçons s'autorisent en fait à jouer à des jeux de poupées, à des jeux de. Alors quand je dis ça, je sais que je touche un point très douloureux parce qu'en plus généralement c'est des jeux qui sont dévalorisés, vous voyez, c'est-à-dire c'est des jeux pour filles, c'est des jeux nuls, vous voyez. Et je pense qu'en fait c'est un effet de la domination masculine, c'est-à-dire de dévaloriser certaines formes de jeux, d'activités ludiques. Par exemple tout ce qui est les jeux de faire semblant, vous voyez, les jeux de. Alors dans l'enquête sur les MMO, c'était très marrant parce que en fait. Parce que les garçons aiment bien jouer à la poupée en réalité. C'est très marrant. Non, mais je veux dire franchement, je sais pas. Généralement, ils s'interdisent de le dire parce que ils sont tellement dominants qu'en fait, ça mettrait leur identité de genre en danger très fortement. Mais la réalité, c'est que quand on faisait des enquêtes sur les MMO, par exemple, le nombre de joueurs qui passaient du temps à acheter des robes, à mettre des couleurs, en fait, et dès que dans l'entretien, je demandais, mais en fait, tu joues un peu à la poupée avec ton perso, de dire non, c'est autre chose. Enfin, certains disaient oui, hein, vous voyez. Certains étaient tout à fait libres de dire oui, en fait, c'est un jeu de poupée, j'adore m'habiller. Mais vous voyez ce que je veux dire, en fait, c'est que certaines formes vraiment de culture ludique ou de formes de jeu qui sont typiquement, qui sont pas, je l'essentialise pas, hein, mais qui sont socialement plus présente ou qu'on favorise plutôt chez les filles. En fait, les garçons s'interdisent de le faire, alors que les filles ont cette espèce de possibilité de toujours d'aller dans le genre masculin, mais sans être, elles sont moins, elles ont une pression très forte, mais qui est d'une nature différente. Les garçons sont dominants. Mais en fait, ce que disait Bourdieu, c'est-à-dire ils sont dominés par leur propre domination, c'est-à-dire ils sont complètement bloqués. Et c'est comme le roi, c'est-à-dire si le roi commence à dire qu'il est autre chose qu'un roi, qui met en danger son rôle, en fait c'est tout le système de domination qui tombe. Donc des garçons qui se mettraient à jouer à Amour sucré, ce serait un peu la panique. Il y a un très bon article là sur les. Pardon, excuse-moi, je prends trop longtemps. Du coup, c'est comme ça en fait qu'on. Enfin, c'est hyper intéressant parce que de l'étude des populations de joueurs et de joueuses, on arrive à la construction de la virilité et à la façon dont dont d'autres détenteurs de cette virilité vont la défendre en pénalisant ceux qui contreviendraient et donc contreviendraient à leur pouvoir aussi. Ouais. Du coup, ça touche à des domaines effectivement qui sont très forts dans notre société. Ouais. Donc c'est hyper intéressant effectivement de faire ces connexions là. Ouais. Après, il y a des jeux qui jouent sur ça. Il y a des jeux qui jouent avec le genre. Il y a ce que montre un type, c'est tous les shonen aussi. En fait, parfois ils reprennent des codes des romans d'amour, mais appliqués pour les garçons. Donc, il y a des choses quand même qui vont dans un sens où les garçons s'autorisent. Hein, mais ça reste quand même encore plus minoritaire que le phénomène inverse en fait. Pardon, je t'ai coupé. Non, mais c'est très très bien. Bon, on pourrait se demander aussi ce que j'allais dire, c'est si du coup les filles et les femmes ont pas tendance aussi à adapter leurs pratiques. J'ai un petit exemple aussi que j'avais observé, c'est-à-dire que moi j'ai été joueuse pendant un moment de Pokémon Go. Pokémon Go, il s'avère que c'est un jeu où dans l'espace public on sait très bien détecter les joueurs de Pokémon Go, mais les joueuses, ouais. On les voit pas beaucoup. Alors que quand on a les stats, elles sont censées être même plus nombreuses. Mm-hmm. Donc, on pourrait se poser des questions sur justement les différences de pratiques ludiques de façon plus globale. Oui, bien sûr. Ouais. Il y a ça. Puis il y a aussi il y a des phénomènes en fait d'acceptabilité du jeu chez les garçons qui est beaucoup plus grande en fait. Ça, il y a quand même des travaux qui le montrent, ceux de Barry Thorne notamment. C'est-à-dire en fait, on accepte beaucoup plus, notamment chez les adolescents masculins, en fait, des formes de jeu, d'engagement dans le jeu, chez les, vous voyez, c'est que, en fait, la question du genre fait que les pressions sont très différentes. Ils connaissent des pressions. La violence est quand même symbolique, mais pas que symbolique d'ailleurs. La violence est plus forte sur les filles, enfin sur les femmes en général. Mais en fait, les trucs, donc l'acceptabilité du jeu, par exemple, est beaucoup plus grande. Pour les garçons que pour les filles quand ils sont adolescents, ça c'est un truc qu'on a dans les enquêtes, c'est-à-dire bon, un garçon, on va dire, qui va beaucoup jouer à du jeu de rôle ou de jeu vidéo, de dire bon, il est jeune, c'est de son âge, c'est un garçon, ça fait fameux, c'est un garçon. Mais pour une fille, en fait, ça commence à se dire mais elle devrait investir autre chose, vous voyez. Donc, alors sur Pokémon Go, ça m'intéresse ce que tu dis parce que c'est l'enquête de cette année en fait des étudiants du master. Mais ils ont pas remarqué ça pour l'instant. Je sais pas s'ils ont encore sorti les données sur. Toi, tu dis que il y a moins de filles alors qu'elles sont plus présentes. C'est-à-dire qu'on nous voit moins. Et moi, j'ai une petite anecdote rapide par rapport à ça, c'est qu'à un moment, j'étais en train de prendre une arène. Je prends l'arène et là, il y a un mec qui cite mon pseudo en disant « Ah, c'est qui ça ?» Et là, et il était à 3 mètres de moi, le mec. Moi, j'étais assise sur un banc. J'ai pas répondu parce que en fait, j'étais un petit peu intimidée et j'avais pas très envie forcément de m'afficher. Ouais. Et à 3 mètres de moi de l'autre côté, il y a un mec qui a dit « C'est moi ». Et ils ont commencé à avoir une discussion par rapport au jeu sur une posture. Ouais. Et sur mon invisibilisation, quoi. Et c'était fascinant à observer. Ouais, d'accord, ouais, c'est intéressant. Hein. Je prends des notes. Il est en train de prendre des notes, voilà. C'est ce qui me semble. Hein. Non, c'est un chouette cœur. Ouais. Ça fait une heure à peu près qu'on parle. Alors, comme je disais, je pense qu'on pourrait faire la nuit dessus, mais on va plutôt se réserver ça pour des épisodes à venir. Ça nous va très bien. Il y a plein d'autres questions à poser. En revanche, moi, là, du coup, la question qui me taraude désormais, parce que là, on a déjà pas mal brassé sur qui sont les joueurs, qui sont les joueuses. On voit que c'est finalement un petit peu tout le monde. Comment ça se fait que la perception du public, elle bouge? Elle semble peu bouger, que le joueur, c'est toujours un ado ou un enfant mal dégrossi, quelqu'un de censément peu adapté au monde. J'ai l'impression que le joueur, c'est encore... Il y a encore une vision un peu en dédain du joueur, alors même que c'est une pratique finalement très très largement partagée et qui, comme tu l'as dit à plusieurs reprises, fait culture. Ouais, mais parce que c'est les parties les plus actives en fait, hein. C'est les gens les plus actifs, c'est-à-dire les jeunes adultes. En fait, c'est là où t'as les temps de jeu les plus importants. Et puis t'as des gens qui sont, en fait, t'as quand même des strates de la population qui sont plus à même de défendre en fait leur façon de jouer ou leur forme de jeu. Quand je disais voilà que les jeux, les girls games en fait sont souvent regardés avec mépris en disant c'est des jeux pour... Alors, on peut discuter de la qualité de ces jeux là mais quand tu es sociologue en fait tu dis bon peu importe la qualité, je veux dire chacun peut juger, mais tu vois c'est des jeux qui sont souvent c'est pas des jeux de gamers, les jeux de filles, donc il y a des phénomènes de domination qui renvoient en fait à des formes de domination de la population en général. Le truc super intéressant qu'avait fait des collègues de quel jeu parlent les universitaires en fait quand ils parlent de jeux vidéo. Et tu vois, c'est pareil, c'est comme pourquoi est-ce qu'on parle toujours des jeux de jeunes ou de jeunes adultes, de certaines formes de jeux et pas de la diversité ou de formes plus faibles ou plus un peu différentes et tout, même s'il y a quand même une culture du jeu indé. C'est quand même un espace de lutte, hein. Je suis pas sûr que les gens se battent, hein, quand même pour définir ce que c'est que le bon jeu. Parfois, t'as des jeux à l'inverse qui sont surdiscutés, toute une partie des jeux indé ou des jeux sérieux. Mais quand tu regardes dans les enquêtes, il n'y a pas de joueurs, quoi. Donc tu te dis comment ça se fait qu'on parle autant de ces jeux-là avec peu de communauté derrière. C'est que tu as des gens qui ont une capacité à en parler, à imposer leur point de vue. Donc il y a ça. Et donc pour reprendre sur ce que je te disais, donc ma collègue qui est à Paris 13, Vincienne Zaban, Samuel Coavou, Emmanuel Boutet s'était amusé à regarder dans les revues. Il y a deux revues internationales d'études sur le jeu vidéo, enfin qui sont un peu reconnues, en tout cas où il y a beaucoup de publications, c'est Game Studies et Games and Culture. En fait, ils se sont rendus compte que c'est marrant, je me mets dedans, hein, mais les universitaires parlent des jeux qu'ils aiment bien en fait, ou des jeux auxquels ils jouent. Donc par exemple, on sait qu'il y a un jeu qui est vraiment très pratique, enfin plutôt pratiqué dans les milieux populaires de façon. Les classes moyennes y jouent, hein, mais eux, ce qui les caractérise, c'est qu'ils jouent à plein de trucs, mais c'est les jeux de voiture, par exemple Need for Speed ou des trucs comme ça. C'est d'immenses ventes, et si tu regardes, c'est des jeux qui sont pas, où on discute très très peu, quoi. Donc tu vois, il y a des phénomènes de. Comment dire, de la culture, c'est un espèce de lutte aussi, et donc. Je pense que t'as des masses critiques en fait qui imposent certaines formes de jeu et puis d'autres qui essaient de proposer d'autres formes de jeu mais qui sont un peu minoritaires donc ça produit cette image-là aussi, tu vois ce que je veux dire. On voit bien de toute façon quand tu fréquentes les sites internet qu'il y a des ou les journaux, la presse spécialisée, qu'ils parlent pas tous de la même façon du jeu, qu'ils défendent pas tous les mêmes formes de jeu, et derrière t'as des différences à la fois de masse de gens, de profils sociologiques de gens, donc je pense les distorsions qu'on a et la focalisation sur certaines formes de jeu sont liées en fait à une composition, une structuration très particulière des gens qui jouent derrière et de leur profil sociologique. Je sais pas si je suis très clair, hein, tu me dis. Hein. Non, mais c'est très bien. Et puis, en fait, ça va nous amener à notre conclusion. C'est-à-dire que, je sais pas si tu as vu, pour cette saison, on a décidé de poser la même question de fin à tous nos invités. Ouais. Et donc, cette question de fin, c'est est-ce qu'il y a une expérience ludique qui t'a particulièrement marqué et dont tu souhaites parler, et si oui, laquelle? Une expérience ludique qui m'aurait particulièrement marqué, en fait c'est une idée de jeu que j'avais mais qui a été un peu reprise par les loups-garous d'un jeu auquel je jouais quand j'étais enfant. Ça s'appelait l'assassin, le passant et le voleur. On se mettait dans le noir, on avait pris un petit papier avant comme au loups-garous. Bon, il n'y avait pas tellement de fin, mais juste l'idée, c'est que le voleur devait, enfin, ou l'assassin devait pincer quelqu'un pour le, en fait, pour faire son truc. Et après, il y avait quelqu'un qui avait le rôle de commissaire et qui devait interroger les autres. Vous voyez le type de jeu qu'on faisait quand on était enfant. Mais juste pour vous dire que c'est un truc, quand j'y repense, quand on se foutait dans le noir et que vous étiez soit l'assassin, enfin, ou vous saviez que l'assassin était là, je veux dire, une espèce d'excitation et de trouille, mais à la fois prise dans le jeu, qu'honnêtement, j'ai jamais retrouvé dans un jeu et qui pour moi est une expérience ludique fondamentale. Ouais. Bah merci beaucoup, c'est un joli souvenir. Merci beaucoup vraiment Vincent pour ces échanges passionnants. On merci était à vous, ouais. Vraiment ravis de te recevoir au début du podcast et du coup encore plus maintenant parce qu'on a pu t'écouter parler pendant 7 heures. Merci aux auditeurs de nous avoir suivis. Merci Célène pour ce nouveau numéro et puis on se retrouve bien évidemment dans 15 jours pour le prochain numéro de Ludologie cette saison 3 qui se poursuit. Vous le savez, hein, désormais on est 4, donc vous verrez bien qui vous retrouverez pour le prochain épisode. Je vous avoue que j'ai plus le casting exact en tête. En tout cas, n'hésitez pas à réécouter les anciens épisodes. N'hésitez pas, bien évidemment, hein, vous le savez, on vous le répète, à commenter, à poser des questions si vous avez envie. On y répondra avec grand plaisir. Et puis en plus, le player SoundCloud est très adapté pour ça. Vous pouvez poser des questions précises à un moment précis par rapport à une remarque précise de l'invité ou de nous-mêmes. N'hésitez pas à partager si jamais vous avez trouvé que c'était intéressant et que vous pensez que les gens autour vont être intéressés aussi. Et puis à nous écrire si vous avez des idées de sujets, si vous avez des choses à raconter, on est toujours intéressés. Et puis ça vous laisse quand même 15 jours pour avoir le temps de continuer à jouer.